السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، en premier lieu, je m'excuse pour hier. Apparemment, il y a eu un problème au niveau de la connexion à la fin du ders. Je m'en suis rendu compte après avoir écouté l'audio qui était enregistré par Telegram, parce que mon enregistreur il s'est arrêté avant la fin du ders. Et l'audio dans son intégralité n'a été enregistré par que des Telegram via l'application. Et un frère m'a signalé qu'à la fin, ça avait comme une voix scratchy, une voix de robot avec des coupures. Alors que moi, sur mon écran, tout était normal. Et en effet, en allant écouter, je me suis aperçu que la voix, elle était de mauvaise qualité. Donc je m'en excuse. L'audio sera diffusé comme ça, il n'y a pas d'autre enregistrement. Une fois de plus, ce qui encourage à ce que les gens participent en direct, comme ça, au moins... sur le moment, ben, ils profitent. Et on espère qu'il y a la baraka d'avoir assisté. Même si le son était médiocre. Taïeb, nab. Fanouwa sile l'yom. Bizni la ta'ala. Mine s'ouel. As-sadis au salassin bardalmiya. Donc là, on poursuit à partir de la 136e question de notre livre, 200 questions-réponses dans la croyance islamique. فَيَقُولَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَوْ يَنْجُو مِنَ النَّارِ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ. Donc, est-ce que quelqu'un entrera au paradis ou sera épargné du feu, et cela en contrepartie de ses actes? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا انت؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. متفق عليه. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم d'agir autant que possible du mieux que l'on peut, et sache que aucun d'entre vous ne sera secouru en contrepartie de ses actes. Il a dit, au message d'Allah, et même pas toi, il a dit, même pas moi, si ce n'est que Allah, Azawajal, m'a recouvert d'une miséricorde de sa part et d'une grâce. Alaykoum salam. Wa qal, fi riwaya, saddidu wa karibu wa bshiru fa innahu lan yadkhula al-janna ahadan, lan yudkhila al-jannatu ahadan amalu. Donc il a dit également, d'agir du mieux que l'on peut et de se réjouir, car aucun d'entre vous ou personne n'entrera au Jannah en contrepartie de ses actes. C'est-à-dire que ces actes, ce ne sont pas ces actes qui, par eux-mêmes, feront entrer la personne au Jannah. Naam. Wa qalu nafs shay wa la anta ya Rasulullah qala wa la ana إلا يتغمدني الله منه برحمة واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن قل. Et ils ont dit pareil, ça c'est une autre version du hadith. Et ni toi, au messager d'Allah, il a dit, même pas moi. Si ce n'est que Allah m'aura recouvert d'une rahma de sa part. Il a dit, sachez que les œuvres les plus aimées auprès d'Allah Azzawajal sont celles qui perdurent même si elles sont peu. Même si elles sont peu. En premier lieu, les actes obligatoires, bien évidemment. Et également les actes surrogatoires sur lesquels perdure le serviteur, même s'ils sont peu. Mais il est continu et régulier. Yaqoum fi sual as-sabi'a wa thalathin ba'd al-mi'a. 137e question. Ma al-jam' bayna hadha al-hadith wa bayna qawli Allah ta'ala wa nudu an tilkum al-jannah urithtumuha bima kuntum ta'malun. Donc maintenant il dit, pour que les gens arrivent bien à comprendre la mas'ala, comment joindre entre ce hadith que l'on vient de lire et la parole d'Allah dans le sens où il dit et qu'ils seront appelés, c'est-à-dire les gens du paradis, que ces jardins, vous les avez hérités par ce que vous avez œuvré. Par ce que vous avez œuvré. Donc maintenant, les gens vont dire, mais il y a une contradiction là. Le hadith, il dit, on ne rentre pas au Jannah par nos œuvres. Et là, Allah Azawajal, dans son verset, il dit dans le sens qu'on rentrera au paradis par nos œuvres. يقول لا منافة بينهما بحمد الله تعالى فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها. Donc il a dit il n'y a pas de contradiction entre le verset et le hadith, car cela revient à une question dans la langue arabe. Là, dans le verset, Allah il dit "Urithtumuha bima kuntum ta'malun", que vous avez hérité du Jannah pour ce que vous avez œuvré. Là c'est bima. Et dans l'autre hadith qu'on a pris tout à l'heure, lan yadju ahadun minkum bi 'amali. C'est également un baï ici qu'on a. Tous les deux sont harf jar. Mais ces deux baïs, ils ont un sens différent. Dans le verset, le baï ici, il a le sens de cause. C'est-à-dire que vous rentrez au Jannah par la cause de vos œuvres. Et dans le hadith, c'est en contrepartie de vos œuvres. Donc les deux, ils ont deux sens différents. C'est pour ça que nous, en traduction, on va le traduire selon le sens. Mais en arabe, ça ne paraît pas forcément au premier abord. Pour la personne qui ne ferait pas la différence. Car les deux, c'est le même harf, harf jar, bé. D'accord ? Donc il y en a un, c'est en contrepartie de vos actes, et l'autre, c'est par cause de vos actes. Par cause de vos actes. Taïeb. Donc il dit فَإِنَ الْعَبْدِ لَوْ عُمِّرَ عُمْرَ الدُّنْيَا وَهُوَ يَسُومَ النَّهَرَ وَيَكُمَ اللَّيْلِ وَيَجْتَنِيبَ الْمَعَاسِ كُلَّهَا لم يقابل كل عمله عشر معشار أسخار نعم الله عليه الظاهرة والباطنة فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة ربي اغفر ورحم وانت خير الراحمين. Donc il a dit, regardez par exemple le serviteur, même s'il vivait d'une longévité de vie aussi longue que l'existence de la dunya, est-ce que cela ne vaudrait pas et que pendant toute cette longueur de vie, il jeûnerait tous les jours, d'accord, il ferait des bonnes actions tous les jours, et éviterait tout ce que Allah Azzawajal lui a interdit. Que tout cela, malgré tout, ne vaudrait pas le dixième des plus infimes bienfaits que Allah pourrait lui accorder par la suite. Car tout cela serait limité. Le Jannah, lui, il est illimité. Donc, comme on dit, ce n'est pas en contrepartie mon acte, en contrepartie, j'ai le Jannah. Non, car tes actes ne valent pas le Jannah. Quoi que tu fasses, ça ne vaut pas le Jannah. Par contre, ces actes sont une cause qui te permettent d'obtenir la grâce d'Allah par laquelle tu pourrais être amené à entrer au Jannah. Donc, différence entre cause et contrepartie. Ton acte n'a pas le prix du Jannah, jamais de la vie. Ce qui prouve que Allah Azzawajal nous fait entrer au Jannah par sa miséricorde et sa grâce. Ne jamais oublier cela. Dans le verset où Allah dit « Ô mon Seigneur, pardonne et fais miséricorde car tu es le meilleur des miséricordieux. » Donc, ne jamais oublier qu'on rentre au Jannah par la rahma d'Allah Azzawajal. Et cette rahma, on peut l'obtenir par la cause. D'accord ? La cause des actes qui sont sincères et qui sont en conformité avec la sunna. Naam. Taïb. Thumma yakul fi السؤال الثامن وثلاثين بعد المئة. 138e question. Là, on va entrer dans une masala qui est très importante, dans laquelle beaucoup sont égarés et dans laquelle beaucoup s'égarent encore aujourd'hui. Avec des termes qui ne sont pas légiférés et des croyances qui sont erronées, qui sont fausses. Et il s'agit du sujet du destin, du qadar. Yaqul ma dalil al-iman bil qadar jumlatan. Donc maintenant, il a dit c'est quoi la preuve qu'il faille croire en le destin de façon générale. Qala ta'ala wa kana amrullahi qadran maqdura. Donc ce qu'il a dit, et le décret d'Allah est une chose qui est prédestinée. Al-Ahzab equalisé verset 38. Wa qala ta'ala liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, et que Allah décrète un ordre qui était déjà ou qui aura forcément lieu. Qui aura forcément lieu. Al-Anfal, le butin, verset 42. Wa qala ta'ala wa kana amrullahi maf'ula, et que l'ordre d'Allah aura forcément lieu. Il est inévitable. Et là, c'est son destin. Al-Ahzab, l'équalisé, verset 37. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi'iznillah ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Et qu'il n'y ait pas de malheur qu'il n'ait touché, qu'il ne soit déroulé, si ce n'est avec la permission d'Allah. Et celui qui croit en Allah, il lui guide son cœur. Al-Taghabun, verset 11. Donc quoi qu'il arrive, cela a lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par son savoir, chose qu'il a voulu et qu'il a su à l'avance. Donc Allah ta'ala, « وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِيْزْنِ اللَّهِ » Et que ce qui vous a atteint le jour où les deux groupes se sont rencontrés, il s'agit là de « Uhud ». Si ce n'est par la permission d'Allah azawajal. Al-Imran, verset 166. Lorsque les croyants ont finalement pris la fuite après avoir cru que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été tué et que Quraysh, à l'époque où Khalid ibn Walid était encore à la tête des troupes des mouchriquines, a vu que les archers avaient désobéi, avaient délaissé leur poste. Alors il est revenu en faisant le tour de Uhud et de là, ils ont eu le dessus sur les croyants à cause d'une désobéissance commise par certains d'entre eux. Et du fait qu'il était dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tué. Donc là, les croyants ont eu peur. Et cela, dans le verset Allah, il dit que cela a eu lieu avec sa permission. Donc c'est une chose que Allah Azzawajal a voulu. وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Il a dit que lorsque ceux, il dit Allah à partir de ceux qui, lorsqu'ils ont été atteints d'un malheur et qu'ils disent, certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous revenons, ceux-là, ils auront les éloges de leur Seigneur ainsi qu'une miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Surat al-Baqara, la vache, verset 156 à 157. Donc cela a lieu forcément avec la volonté d'Allah. وتقدم في حديث جبريل تؤمن بالقدر خيره وشره. Dans le hadith de Jibril, on a pris parmi les piliers de la foi que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وما اخطاك لم يكن يصيبك. Et sache que ce qu'il t'a atteint ne devait pas en être épargné, et que ce dont tu étais épargné ne devait pas t'atteindre. Quoi qu'il arrive, cela devait t'arriver. D'accord ? Et ce qui ne devait pas t'arriver, ne devait pas t'arriver. C'est que Allah ne te l'avait pas écrit. Et pareil, que si toute la communauté venait à s'unir pour t'apporter un bien, elles ne sont apportées que le bien que Allah t'a déjà prédestiné. Et que si jamais ils venaient à se réunir pour t'éviter un mal, ou t'accorder plutôt t'atteindre d'un mal, ne t'attendra que le mal que Allah t'a déjà prédestiné. Non. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Et sache que si une chose t'atteint, tu ne peux pas dire si jamais j'ai fait telle et telle chose, ça aurait été de telle et telle manière. Mais dis que ce que Allah a prédestiné ne peut qu'arriver. Apporté par Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العج والكيس. Que toute chose a lieu par le destin, que ce soit une chose qu'on a abandonnée ou une chose qu'on aurait entrepris avec détermination. Alhamdulillah. Tout cela n'aura lieu que par le destin. Non. Donc le destin, il faut y croire. Et croire en ce destin permet d'affronter bien les choses. Et cela nous permet de nous munir du courage et de mieux patienter face à ce qui nous arrive. Car on sait que c'est une chose qu'Allah a voulu. Et que cela devait forcément arriver. Non. Et à quoi le bar de Zalik, fils Soel, est assis à Salassine, bar d'Almiya. 139e question. Et à quoi le kam maratib al-imam du Qadar. Donc de combien sont les étapes de la foi en le destin? De combien sont les étapes de la foi en le destin? يقول الإيمان بالقدر على أربع مراتب. Il y a trois étapes. Il y en a trois. Quatre, Afwan. Quatre. Elles sont très importantes. Aujourd'hui, on va prendre juste les étapes. Dans le ders de demain, Inch'Allah, on les prendra chacune avec leur adillah, sinon ce serait trop long. D'accord ? Ce serait trop long à citer le tout ensemble. Donc, on va prendre juste aujourd'hui là, c'est 4 maratib, bizna ta'ala. Il dit al-martabatu al-ula al-iman bi-ilmi Allah al-muhit bi-kulli shay. Donc la première étape, c'est de croire au savoir d'Allah azza wa jal, que Allah a su et a tout sané par ce ilm justement. En premier lieu, que Allah a su ce qui a lieu, ce qui n'aura pas lieu. Toute chose, Allah l'a su. Donc Allah azza wa jal a su toute la création avant qu'il ne la crée. Qu'il a su leur subsistance avant qu'il ne leur octroie. Qu'il a su leur temps de vie. Qu'il a su leurs paroles, leurs actes et tous leurs mouvements et également leur inertie. Qu'il a su leurs secrets et leurs choses apparentes. Et il a su qui seraient les gens du Jannah et qui seront les gens du feu. Et Allah, il a su ce qui a lieu et ce qui aurait lieu dans ce qui n'a pas eu lieu. Toute alternative, toute probabilité, Allah les connaît. Ne jamais oublier cela. D'accord ? Donc première chose, première étape dans le Maratib al-Qadar, que Allah a su. Martaba thaniya al-iman bi kitabat dhalika wa annahu ta'ala qad kataba al-jami' ma sabaqa bihi 'ilmuhu annahu ka'in wa fi dhaman dhalika al-iman bil lawh wal-qalam. Donc ensuite, que Allah a écrit toute chose. Allah a écrit toute chose, tout ce qu'il a su, il l'a écrit. Ce qui a lieu, ce qui n'a pas eu lieu. Toute chose a été écrite. Et cela a été écrit dans le lawh qui est la table préservée. Et cela a été écrit par la plume. Car lorsque Allah Azzawajal a créé la plume, et en réalité la première chose qu'Allah a créé, c'est le arche, son trône, et non pas la plume. Il y a une divergence sur la question par rapport à l'interprétation du hadith, mais en réalité c'est le arche. Le trône a été créé avant la plume. Lakin qala awal ma khalaqa Allah al-qalam qala lahu uktub. Qala wa ma aktub ya rabbi qala uktub kullu ma huwa kain ila an takuma as-sa'a. Que dès que Allah Azzawajal a créé la plume, il lui a dit écris tout ce qu'il y aura lieu jusqu'à ce que l'heure arrive. Et cela a été écrit dans la table préservée. Donc tout est écrit. Ce qui aura lieu et ce qui aurait pu avoir lieu, et ainsi de suite. Al-martaba thalitha al-iman bi mashiyatillah al-nafidha. Wa qudratihi al-nafidha wa qudratihi al-shamila. Donc ensuite, troisième étape, c'est ce que Allah aura voulu. D'accord ? Ce que Allah aura voulu et qui aura forcément lieu. Ce que Allah aura voulu et aura forcément lieu. Et son omnipotence, que Allah est capable de toute chose. Et ainsi de suite. Et ce que Allah veut aura forcément lieu. Et que rien ne saurait il fait obstacle, c'est impossible. Donc première étape, que Allah a su. Deuxième étape, que Allah a écrit. Et là on voit que parmi les attributs d'Allah Azzawajal, al-kitab, l'écriture. Naam. Troisième étape, que Allah a voulu. D'accord ? Que Allah a voulu. Wal martaba al-rabi'a al-iman bi anna Allah ta'ala khalaq kull shay wa annahu ma min dhurra fi as-samawati wala fi al-ard wala fihima ولا فيما بينهما إلا والله خالق خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه وتعالى لا خالق غيره ولا رب سواه. Donc ensuite, que Allah Azza wa Jal a créé toute chose, le moindre atome, le moindre électron dans les cieux, est-ce qu'il y a sur terre, est-ce qu'il y a entre les deux, c'est Allah qui a créé toute chose, rien n'existe si ce n'est par sa volonté. D'accord ? Tous les mouvements, l'inertie, les paroles, les silences, tout, qu'il n'y a pas d'autre créateur en dehors de lui. Et pas d'autre Seigneur en dehors de lui. Donc Allah Azza wa Jal a su. Ensuite, il a écrit. Ensuite, il a voulu. Et ce qu'il a voulu, il l'a créé. Donc cela a forcément lieu. Ce sont les quatre maratib de la foi en le destin. Le ilm, la kitaba, al-mashiya ou al-khalq. Allah a su, Allah a écrit. Allah a voulu, Allah a créé. Tout ce qui arrive, ce qu'on voit comme étant un bien ou étant un mal, c'est Allah qui l'a créé. D'accord ? Donc dans le prochain dirs, Inch'Allah, on prendra les adillah, les preuves de ces quatre étapes. Inch'Allah. Je précise que dimanche prochain, pas demain, dimanche prochain, il y aura une muhadara, il y aura une conférence qui sera donnée pour thème les causes d'obtention du risque, la subsistance, et également les choses qui peuvent l'en empêcher. D'accord, c'est un sujet qui est très important, qu'il faudra aborder, car beaucoup de gens dans ce sujet-là s'embrouillent, se mélangent les pinceaux et ont des mauvaises croyances. Donc il faudra en parler, Inch'Allah, avec des hadiths qui montrent que le risque ne se limite pas forcément au travail, comme on le connaît. Aller au travail, mettre au boulot dodo. Le risque peut s'obtenir par plein d'autres voies. D'accord ? Et on va en parler, quelles sont ses causes. Bismillah ta'ala, ou également les choses qui fassent que le risque peut, on peut en être privé. Il peut être diminué. Wa kaza. Quand même, donc ça sera dimanche prochain, dans une semaine. Bismillah ta'ala. On a que ta vie bien le cadre. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.